Chapitre 7. De la communion. C'est à 12 ans, c'est au printemps de l'année, que l'adolescent s'unit à son Créateur. Après avoir pleuré la mort du Rédempteur du monde avec les montagnes de Sion, après avoir rappelé les ténèbres qui couvrirent la terre, la chrétienté sort de la douleur. Les cloches se raniment, les saints se dévoilent, le cri de la joie, l'antique Alléluia d'Abraham et de Jacob fait retentir le dôme des églises. De jeunes filles vêtues de lin et des garçons parés de feuillage marchent sur une route semée des premières fleurs de l'année. Ils s'avancent vers le temple en répétant de nouveaux cantiques. Leurs parents les suivent. Bientôt, le Christ descend sur l'autel pour ses âmes délicates. Le froment des anges est déposé sur la langue véridique qu'aucun mensonge n'a encore souillée, tandis que le prêtre boit, dans le vin pur, le sang méritoire de l'agneau. Dans cette solennité, Dieu rappelle un sacrifice sanglant sous les espèces les plus paisibles. Aux incommensurables hauteurs de ces mystères se mêlent les souvenirs des scènes les plus riantes. La nature ressuscite avec son Créateur, et l'ange du printemps semble lui ouvrir les portes du tombeau, comme cet esprit de lumière qui dérangea la pierre du glorieux sépulcre. L'âge des tendres communiants et celui de la naissante année confondent leur jeunesse, leurs harmonies et leurs innocences. Le pain et le vin annoncent les dons des champs prêts à mûrir et retracent les tableaux de l'agriculture. Enfin, Dieu descend dans les âmes de ses enfants pour les féconder, comme il descend en cette saison dans le sein de la terre pour lui faire porter ses fleurs et ses richesses. Mais dira-t-on, que signifie cette communion mystique, où la raison est obligée de se soumettre à une absurdité, sans aucun profit pour les mœurs? Qu'on nous permette d'abord de répondre, en général, pour tous les rites chrétiens, qu'ils sont de la plus haute moralité, par cela seul qu'ils ont été pratiqués par nos pères, par cela seul que nos mères ont été chrétiennes sur nos berceaux. Enfin, parce que la religion a chanté autour du cercueil de nos aïeux et souhaité la paix de leurs cendres. Ensuite, supposer même que la communion fût une cérémonie puérile, c'est du moins s'aveugler beaucoup, de ne pas voir qu'une solennité, qui doit être précédée d'une confession générale, qui ne peut avoir lieu qu'après une longue suite d'actions vertueuses, est très favorable aux bonnes mœurs. Elle l'est même à un tel point que si un homme approchait dignement, une seule fois par mois, du sacrement d'Eucharistie, cet homme serait, de nécessité, l'homme le plus vertueux de la terre. Transportez le raisonnement de l'individuel au collectif, de l'homme au peuple, et vous verrez que la communion est une législation tout entière. Voilà donc des hommes, dit Voltaire, dont l'autorité ne sera pas suspecte. Voilà des hommes qui reçoivent Dieu dans eux, au milieu d'une cérémonie auguste, à la lueur de cent cierges, après une musique qui a enchanté leur sens, au pied d'un autel brillant d'or. L'imagination est subjuguée, l'âme saisie et attendrie. On respire à peine, on est détaché de tout bien terrestre, on est uni avec Dieu. Il est dans notre chair et dans notre sang. Qui osera, qui pourra commettre après cela une seule faute, en concevoir seulement la pensée? Il était impossible, sans doute, d'imaginer un mystère qui retint plus fortement les hommes dans la vertu. Et si nous nous exprimions nous-mêmes avec cette force, on nous traiterait de fanatiques. L'Eucharistie a pris naissance à la scène, et nous en appelons au peintre pour la beauté du tableau où Jésus-Christ est représenté disant ces paroles « Hoc est corpus meum ». 4 choses sont ici. Premièrement, dans le pain et le vin matériel, on voit la consécration de la nourriture de l'homme qui vient de Dieu et que nous tenons de sa munificence. Quand il n'y aurait dans la communion que cette offrande des richesses de la terre à celui qui les dispense, cela seul suffirait pour la comparer aux plus belles coutumes religieuses de la Grèce. Deuxièmement, l'Eucharistie rappelle la Pâque des Israélites, qui remonte au temps des pharaons. Elle annonce l'abolition des sacrifices sanglants. Elle est aussi l'image de la vocation d'Abraham et de la première alliance de Dieu avec l'homme. Tout ce qu'il y a de grand en antiquité, en histoire, en législation, en figure sacrée, se trouve donc réuni dans la communion du chrétien. Troisièmement, l'Eucharistie annonce la réunion des hommes en une grande famille. Elle enseigne la fin des inimitiés, l'égalité naturelle et l'établissement d'une nouvelle loi qui ne connaîtra ni juif ni gentil et invitera tous les enfants d'Adam à la même table. Enfin, la quatrième chose que l'on découvre dans l'Eucharistie, c'est le mystère direct et la présence réelle de Dieu dans le pain consacré. Ici, il faut que l'âme s'envole un moment vers ce monde intellectuel qui lui fut ouvert avant sa chute. Lorsque le Tout-Puissant eut créé l'homme à son image et qu'il l'eut animé d'un souffle de vie, il fit alliance avec lui. Adam et Dieu s'entretenaient ensemble dans la solitude. L'alliance fut de droit rompue par la désobéissance. L'être éternel ne pouvait plus communiquer avec la mort, la spiritualité avec la matière. Or, entre deux choses de propriété différente, il ne peut y avoir de point de contact que par un milieu. Le premier effort que l'amour divin fit pour se rapprocher de nous fut la vocation d'Abraham et l'établissement des sacrifices, figure qui annonçait au monde l'avènement du Messie. Le Sauveur, en nous rétablissant dans nos fins, comme nous l'avons observé au sujet de la rédemption, a dû nous rétablir dans nos privilèges. Et le plus beau de ces privilèges, sans doute, était de communiquer avec le Créateur. Mais cette communication ne pouvait avoir lieu immédiatement, comme dans le paradis terrestre. Premièrement, parce que notre origine est demeurée souillée. En second lieu, parce que notre corps, maintenant sujet au tombeau, est resté trop faible pour communiquer directement avec Dieu sans mourir. Il fallait donc un moyen média. Et c'est le Fils qui l'a fourni. Il s'est donné à l'homme dans l'Eucharistie. Il est devenu la route sublime par qui nous nous réunissons de nouveau à celui dont notre âme est émanée. Mais si le Fils fut resté dans son essence primitive, il est évident que la même séparation eût existé ici-bas entre Dieu et l'homme, puisqu'il ne peut y avoir d'union entre la pureté et le crime, entre une réalité éternelle et le songe de notre vie. Or, le Verbe, en entrant dans le sein d'une femme, a daigné se faire semblable à nous. D'un côté, il touche à son Père par sa spiritualité. De l'autre, il s'unit à la chair par son effigie humaine. Il devient donc ce rapprochement cherché entre l'enfant coupable et le Père miséricordieux. En se cachant sous l'emblème du pain, il est pour l'œil du corps un objet sensible, tandis qu'il reste un objet intellectuel pour l'œil de l'âme. S'il a choisi le pain pour se voiler, c'est que le froment est un emblème noble et pur de la nourriture divine. Si cette haute et mystérieuse théologie, dont nous nous contentons d'ébaucher quelques traits, effraie nos lecteurs, qu'ils remarquent toutefois combien cette métaphysique est lumineuse, auprès de celle de Pythagore, de Platon, de Timée, d'Aristote, de Carnéade, d'Épicure. On n'y trouve aucune de ces abstractions d'idées pour lesquelles on est obligé de se créer un langage inintelligible au commun des hommes. En résumant ce que nous avons dit sur la communion, nous voyons qu'elle présente d'abord une pompe charmante, qu'elle enseigne la morale, parce qu'il faut être pur pour en approcher, qu'elle est l'offrande des dons de la terre au Créateur, et qu'elle rappelle la sublime et touchante histoire du Fils de l'homme. Unie au souvenir de la Pâque et de la première alliance, la communion va se perdre dans la nuit des temps. Elle tient aux idées premières sur la nature de l'homme religieux et politique, et exprime l'antique égalité du genre humain, Enfin, elle perpétue la mémoire de notre chute primitive, de notre rétablissement et de notre réunion avec Dieu. Chapitre 8. La confirmation, l'ordre et le mariage. Examen du vœu de célibat sous ses rapports moraux. On ne cesse de s'étonner lorsqu'on remarque à quelle époque de la vie la religion a fixé le grand hyménée de l'homme et du Créateur. C'est le moment où le cœur va s'enflammer du feu des passions, le moment où il peut concevoir l'être suprême. Dieu devient l'immense génie qui tourmente tout à coup l'adolescent et qui remplit les facultés de son âme inquiète et agrandie. Mais le danger augmente. Il faut de nouveaux secours à cet étranger sans expérience, exposé sur le chemin du monde. La religion ne l'oubliera point. Elle tient en réserve un appui. La confirmation vient soutenir ses pas tremblants comme le bâton dans la main du voyageur, ou comme ces sceptres qui passaient de race en race chez les rois antiques, et sur lesquels Évandre et Nestor, pasteurs des hommes, s'appuyaient en jugeant les peuples. Observons que la morale entière de la vie est renfermée dans le sacrement de confirmation. Quiconque a la force de confesser Dieu pratiquera nécessairement la vertu, puisque commettre le crime, c'est renier le Créateur. Le même esprit de sagesse a placé l'ordre et le mariage immédiatement après la confirmation. L'enfant est maintenant devenu homme, et la religion qu'il a suivie des yeux avec une tendre sollicitude dans l'état de nature ne l'abandonnera pas dans l'état de société. Admirez ici la profondeur des vues du législateur des chrétiens. Il n'a établi que deux sacrements sociaux, si nous osons nous exprimer ainsi. Car en effet, il n'y a que deux états dans la vie, le célibat et le mariage. Ainsi, sans s'embarrasser des distinctions civiles inventées par notre étroite raison, Jésus-Christ divise la société en deux classes. À ces classes, il ne donne point de lois politiques, mais des lois morales. Et par là, il se trouve d'accord avec toute l'Antiquité. Les anciens sages de l'Orient, qui ont laissé une si merveilleuse renommée, n'assemblaient pas des hommes pris au hasard pour méditer d'impraticables constitutions. Ces sages étaient de vénérables solitaires, qui avaient voyagé longtemps et qui chantaient les dieux sur la lyre. Chargés de richesses puisées chez les nations étrangères, plus riches encore des dons d'une vie sainte, le luth à la main, une couronne d'or dans leurs cheveux blancs. Ces hommes divins, assis sous quelques platanes, dictaient leurs leçons à tout un peuple ravi. Et quelles étaient ces institutions des Amphions, des Cadmus, des Orphées? Une belle musique, appelée loi, des danses, des cantiques, quelques arbres consacrés, des vieillards conduisant des enfants, un hymen formé auprès d'un tombeau. La religion et Dieu partout. C'est aussi ce que le christianisme a fait, mais d'une manière encore plus admirable. Cependant, les hommes ne s'accordent jamais sur les principes, et les institutions les plus sages ont trouvé des détracteurs. On s'est élevé, dans ces derniers temps, contre le vœu de célibat, attaché au sacrement d'ordre. Les uns, cherchant partout des armes contre la religion, en ont cru trouver dans la religion même. Ils ont fait valoir l'ancienne discipline de l'Église qui, selon eux, permettait le mariage du prêtre. Les autres se sont contentés de faire de la chasteté chrétienne l'objet de leur raillerie. Répondons d'abord aux esprits sérieux et aux objections morales. Il est certain d'abord que le 7e canon du second concile de Latran, l'an 1139, fixe sans retour le célibat du clergé catholique à une époque plus reculée. On peut citer quelques dispositions du concile de Latran en 1123, de Tibur en 895, de Trolie en 909, de Tolède en 633 et de Chalcédoine en 451. Boronius prouve que le vœu de célibat était général parmi le clergé dès le VIe siècle. un canon du premier concile de Tours excommunie tout prêtre, diacre ou sous-diacre, qui aurait conservé sa femme après avoir reçu les ordres. Si nuentus fuerit presbyter, cum sua presbytera. Aut diaconus cum sua diaconissa. Aut subdiaconus cum sua subdiaconissa. Annun integrum excommunicatus abeatur. Dès le temps de saint Paul, la virginité était regardée comme l'état le plus parfait pour un chrétien. Mais, en admettant un moment que le mariage des prêtres eût été toléré dans la primitive Église, ce qui ne peut se soutenir ni historiquement ni canoniquement, il ne s'ensuivrait pas qu'il dût être permis à présent aux ecclésiastiques. Les mœurs modernes s'opposent à cette innovation, qui détruirait d'ailleurs de fond en comble la discipline de l'Église. Dans les anciens jours de la religion, jours de combat et de triomphe, les chrétiens, peu nombreux et remplis de vertus, vivaient fraternellement ensemble, goûtaient les mêmes joies, partageaient les mêmes tribulations à la table du Seigneur. Le pasteur aurait donc pu, à la rigueur, avoir une famille au milieu de cette société sainte qui était déjà sa famille. Il n'aurait point été détourné par ses propres enfants du soin de ses autres brebis, puisqu'ils auraient fait partie du troupeau. Il n'aurait pu trahir pour eux les secrets du pécheur, puisqu'on n'avait point de crime à cacher, et que les confessions se faisaient à haute voix, dans ces basiliques de la mort, où les fidèles s'assemblaient pour prier sur les cendres des martyrs. Ces chrétiens avaient reçu du ciel un sacerdoce que nous avons perdu. C'était moins une assemblée du peuple qu'une communauté de lévites et de religieuses. Le baptême les avait tous créés prêtres et confesseurs de Jésus-Christ. Saint Justin le philosophe, dans sa première apologie, fait une admirable description de la vie des fidèles de ce temps-là. « On nous accuse, dit-il, de troubler la tranquillité de l'État. Et cependant, un des principaux dogmes de notre foi est que rien n'est caché aux yeux de Dieu, et qu'il nous jugera sévèrement un jour sur nos bonnes et mauvaises actions. Mais, ô puissant empereur, les peines même que vous avez décernées contre nous ne font que nous affermir dans notre culte, puisque toutes ces persécutions nous ont été prédites par notre Maître, Fils du souverain Dieu, Père et Seigneur de l'univers. Le jour du soleil, le dimanche, tous ceux qui demeurent à la ville et à la campagne s'assemblent en un lieu commun. On lit les saintes écritures. Un ancien exhorte ensuite le peuple à imiter de si beaux exemples. On s'élève, on prie de nouveau, on présente l'eau, le pain et le vin. Le prélat fait l'action de grâce, l'assistance répond « Amen ». On distribue une partie des choses consacrées, et les diacres portent le reste aux absents. On fait une quête, les riches donnent ce qu'ils veulent. Le prélat garde ses aumônes pour en assister les veuves, les orphelins, les malades, les prisonniers, les pauvres, les étrangers, en un mot, tous ceux qui sont dans le besoin, et dont le prélat est spécialement chargé. Si nous nous réunissons le jour du soleil, c'est que Dieu fit le monde ce jour-là, et que son Fils ressuscita à pareil jour, pour confirmer à ses disciples la doctrine que nous vous avons exposée. Si vous la trouvez bonne, respectez-la, rejetez-la si elle vous semble méprisable, mais ne livrez pas pour cela au bureau des gens qui n'ont fait aucun mal, car nous osons vous annoncer que vous n'éviterez pas le jugement de Dieu si vous demeurez dans l'injustice. Au reste, quel que soit notre sort, que la volonté de Dieu soit faite. Nous aurions pu réclamer votre équité en vertu de la lettre de votre père, César Adrien, d'illustre et glorieuse mémoire. Mais nous avons préféré nous confier en la justice de notre cause. L'apologie de Justin était bien faite pour surprendre la terre. Il venait de révéler un âge d'or au milieu de la corruption, de découvrir un peuple nouveau dans les souterrains d'un antique empire. Ses mœurs durent paraître d'autant plus belles qu'elles n'étaient pas connues au premier jour du monde. en harmonie avec la nature et les lois, et qu'elle formait au contraire un contraste frappant avec le reste de la société. Ce qui rend surtout la vie de ces fidèles plus intéressante que la vie de ces hommes parfois chantés par la fable, c'est que ceux-ci sont représentés heureux, et que les autres se montrent à nous à travers les charmes du malheur. Ce n'est pas sous les feuillages des bois et au bord des fontaines que la vertu paraît avec le plus de puissance. Il faut la voir à l'ombre des murs des prisons et parmi les flots de sang et de larmes. Combien la religion est divine lorsqu'au fond d'un souterrain, dans le silence et la nuit des tombeaux, un pasteur que le péril environne célèbre, à la lueur d'une lampe, devant un petit troupeau de fidèles, les mystères d'un Dieu persécuté. Il était nécessaire d'établir solidement cette innocence des chrétiens primitifs, pour montrer que si, malgré tant de pureté, on trouva des inconvénients au mariage des prêtres, il serait tout à fait impossible de l'admettre aujourd'hui. En effet, quand les chrétiens se multiplièrent, quand la corruption se répandit avec les hommes, comment le prêtre aurait-il pu vaquer en même temps aux soins de sa famille et de son église? Comment fut-il demeuré chaste avec une épouse qui eût cessé de l'être? Que si l'on objecte les pays protestants, nous dirons que dans ces pays, on a été obligé d'abolir une grande partie du culte extérieur. Qu'un ministre paraît à peine dans un temple deux ou trois fois par semaine. Que presque toutes relations ont cessé entre le pasteur et le troupeau. Et que le premier est trop souvent un homme du monde qui donne des bals et des festins pour amuser ses enfants. Quant à quelques sectes moroses qui affectent la simplicité évangélique et qui veulent une religion sans culte, nous espérons qu'on ne nous les opposera pas. Enfin, dans les pays où le mariage des prêtres est établi, la confession, la plus belle des institutions morales, a cessé et a dû cesser à l'instant. Il est naturel qu'on n'ose plus rendre maître de ses secrets l'homme qui a rendu une femme maîtresse des siens. On craint avec raison de se confier au prêtre qui a rompu son contrat de fidélité avec Dieu et répudié le Créateur pour épouser la créature. Il ne reste plus qu'à répondre à l'objection que l'on tire de la loi générale de la population. Or, il nous paraît qu'une des premières lois naturelles qui dut s'abolir à la Nouvelle Alliance fut celle qui favorisait la population au-delà de certaines bornes. Autre fut Jésus-Christ, autre Abraham. Celui-ci parut dans un temps d'innocence, dans un temps où la terre manquait d'habitants. Jésus-Christ vint, au contraire, au milieu de la corruption des hommes, et lorsque le monde avait perdu sa solitude. La pudeur peut donc fermer aujourd'hui le sein des femmes. La seconde Ève, en guérissant les maux dont la première avait été frappée, a fait descendre la virginité du ciel pour nous donner une idée de cet état de pureté et de joie qui précéda les antiques douleurs de la mère. Le législateur des chrétiens naquit d'une vierge et mourut vierge. N'a-t-il pas voulu nous enseigner par là, sous les rapports politiques et naturels, que la terre était arrivée à son complément d'habitants et que, loin de multiplier les générations, il faudrait désormais les restreindre? À l'appui de cette opinion, on remarque que les États ne périssent jamais par le défaut, mais par le trop grand nombre d'hommes. Une population excessive est le fléau des empires. Les barbares du Nord ont dévasté le globe quand leurs forêts ont été remplies. La Suisse était obligée de verser ses industrieux habitants aux royaumes étrangers, comme elle leur verse ses rivières fécondes. Et sous nos propres yeux, au moment même où la France a perdu tant de laboureurs, la culture n'en paraît que plus florissante. Hélas, misérables insectes que nous sommes, bourdonnant autour d'une coupe d'absinthe, où, par hasard, sont tombées quelques gouttes de miel. Nous nous dévorons les uns les autres lorsque l'espace vient à manquer à notre multitude. Par un malheur plus grand encore, plus nous nous multiplions, plus il faut de champs à nos désirs. De ce terrain qui diminue toujours, et de ses passions qui augmentent sans cesse, doivent résulter, tôt ou tard, d'effroyables révolutions. Au reste, les systèmes s'évanouissent devant des faits. L'Europe est-elle déserte parce qu'on y voit un clergé catholique qui a fait vœu de célibat? Les monastères même sont favorables à la société. Parce que les religieux, en consommant leurs denrées sur les lieux, répandent l'abondance dans la cabane du pauvre. Où voyait-on en France des paysans bien vêtus et des laboureurs dont le visage annonçait l'abondance et la joie, si ce n'était dans la dépendance de quelques riches abbayes? Les grandes propriétés n'ont-elles pas toujours cet effet? Et les abbayes étaient-elles autre chose que des domaines où les propriétaires résidaient? Mais ceci nous mènerait trop loin, et nous y reviendrons lorsque nous traiterons des ordres monastiques. Disons pourtant encore que le clergé favorisait la population en prêchant la concorde et l'union entre les époux, en arrêtant les progrès du libertinage et en dirigeant les foudres de l'Église contre le système du petit nombre d'enfants, adopté par le peuple des villes. Enfin, il semble à peu près démontré qu'il faut dans un grand état des hommes qui, séparés du reste du monde et revêtus d'un caractère auguste, puissent, sans enfants, sans épouse, sans les embarras du siècle, travailler au progrès des Lumières, à la perfection de la morale et au soulagement du malheur. Quel miracle nos prêtres et nos religieux n'ont-ils point opéré sous ces trois rapports dans la société? Qu'on leur donne une famille, et ces études, et cette charité qu'ils consacraient à leur patrie, ils les détourneront au profit de leurs parents, heureux même si, de vertus qu'elles sont, ils ne les transforment en vices. Voilà ce que nous avions à répondre aux moralistes sur le célibat des prêtres. Voyons si nous trouverons quelque chose pour les poètes. Ici, il nous faut d'autres raisons, d'autres autorités et un autre style.